Livre 8e, chapitre 5. La mer. Je ne crois pas qu'il y ait rien au monde de plus riant que les idées qui s'éveillent dans le cœur d'une mère à la vue du petit soulier de son enfant, surtout si c'est le soulier de fête, des dimanches, du baptême, le soulier brodé jusque sous la semelle, un soulier avec lequel l'enfant n'a pas encore fait un pas. Ce soulier-là a tant de grâce et de petitesse, il lui est si impossible de marcher, que c'est pour la mère comme si elle voyait son enfant. Elle lui sourit, elle le baise, elle lui parle, elle se demande s'il se peut en effet qu'un pied soit si petit. Et l'enfant fût-il absent, il suffit du joli soulier pour lui remettre sous les yeux la douce et fragile créature. Elle croit le voir, elle le voit, tout entier, vivant, joyeux, avec ses mains délicates, sa tête ronde, ses lèvres pures, ses yeux sereins dont le blanc est bleu. Si c'est l'hiver, il est là, il rampe sur le tapis, il escalade laborieusement un tabouret, et la mère tremble qu'il n'approche du feu. Si c'est l'été, il se traîne dans la cour, dans le jardin, arrache l'herbe d'entre les pavés, regarde naïvement les grands chiens, les grands chevaux, et fait gronder le jardinier qui trouve le sable dans les plates-bandes et la terre dans les allées. Tout rit, tout brille, tout joue autour de lui, comme lui. Jusqu'au souffle d'air et aux rayons de soleil qui s'ébattent à l'envi dans les boucles follettes de ses cheveux. Le soulier montre tout cela à la mère et lui fait fondre le cœur comme le feu une cire. Mais quand l'enfant est perdu, ces mille images de joie, de charme, de tendresse qui se pressent autour du petit soulier deviennent autant de choses horribles. Le joli soulier brodé n'est plus qu'un instrument de torture qui broie éternellement le cœur de la mère. C'est toujours la même fibre qui vibre, la fibre la plus profonde et la plus sensible, mais au lieu d'un ange qui la caresse, c'est un démon qui la pince. Un matin, tandis que le soleil de mai se levait dans un de ces ciels bleus foncés, où le garofalo aime à placer ses descentes de croix, la recluse de la tour Roland entendit un bruit de roues, de chevaux et de ferrailles dans la place de grève. Elle s'en éveilla un peu, noua ses cheveux sur ses oreilles pour s'assourdir et se remit à contempler à genoux l'objet inanimé qu'elle adorait ainsi depuis 15 ans. Ce petit soulier, nous l'avons déjà dit, était pour elle l'univers. Sa pensée y était enfermée et n'en devait plus sortir qu'à la mort. Ce qu'elle avait jeté vers le ciel d'imprécations amères, de plaintes touchantes, de prières et de sanglots, à propos de ce charmant hocher de satin rose, la sombre cave de la tour Roland seule l'a su. Jamais plus de désespoir n'a été répandu sur une chose plus gentille et plus gracieuse. Ce matin-là, il semblait que sa douleur s'échappait plus violente encore qu'à l'ordinaire, et on l'entendait du dehors se lamenter avec une voix haute et monotone qui navrait le cœur. « Oh, ma fille, disait-elle, ma fille, ma pauvre chère petite enfant, je ne te verrai donc plus, c'est donc fini, il me semble toujours que cela s'est fait hier. Mon Dieu, pour me la reprendre si vite, il valait mieux ne pas me la donner. Vous ne savez donc pas que nos enfants tiennent à notre ventre et qu'une mère qui a perdu son enfant ne croit plus en Dieu. Ah, misérable que je suis d'être sortie ce jour-là. Seigneur, Seigneur, pour me l'ôter ainsi, vous ne m'aviez donc jamais regardée avec elle. Lorsque je la réchauffais toute joyeuse à mon feu, lorsqu'elle me riait en me tétant, lorsque je faisais monter ses petits pieds sur ma poitrine jusqu'à mes lèvres. Oh, si vous aviez regardé cela, mon Dieu, vous auriez eu pitié de ma joie. Vous ne m'auriez pas ôté le seul amour qui me resta dans le cœur. Étais-je donc une si misérable créature, Seigneur, que vous ne puissiez me regarder avant de me condamner? Hélas, voilà le soulier, le pied, où est-il? Où est le reste? Où est l'enfant? Ma fille, ma fille! Qu'ont-ils fait de toi? Seigneur, rendez-la moi. Mes genoux se sont écorchés 15 ans à vous prier. Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas assez? Rendez-la moi un jour, une heure, une minute, Seigneur, et jetez-moi ensuite au démon pour l'éternité. Oh, si je savais où traîne un pan de votre robe, je m'y cramponnerais de mes deux mains, et il faudrait bien que vous me rendissiez mon enfant. Son joli petit soulier, est-ce que vous n'en avez pas pitié, Seigneur? Pouvez-vous condamner une pauvre mère à ce supplice de 15 ans? Bonne Vierge du ciel, mon enfant Jésus à moi, on me l'a pris, on me l'a volé, on l'a mangé sur une bruyère, on a bu son sang, on a mâché ses os. Bonne Vierge, ayez pitié de moi. Ma fille, il me faut ma fille. Qu'est-ce que cela me fait qu'elle soit dans le paradis? Je ne veux pas de votre ange, je veux mon enfant. Je suis une lionne, je veux mon lionceau. Oh, je me tordrai sur la terre, et je briserai la pierre avec mon front, et je me damnerai, et je vous maudirai, Seigneur, si vous me gardez mon enfant. Vous voyez bien que j'ai le bras tout mordu. Seigneur, est-ce que le bon Dieu n'a pas de pitié? Oh, ne me donnez que du sel et du pain noir, pourvu que j'aie ma fille, et qu'elle me réchauffe comme un soleil. Hélas, Dieu mon Seigneur, je ne suis qu'une vile pécheresse, mais ma fille me rendait pieuse. J'étais pleine de religion pour l'amour d'elle, et je vous voyais à travers son sourire, comme par une ouverture du ciel. Oh, que je puisse seulement une fois, encore une fois, une seule fois, chausser ce soulier à son joli petit pied rose, et je meurs, bonne Vierge, en vous bénissant. Ah, 15 ans, elle serait grande maintenant, malheureuse enfant. Quoi, c'est donc bien vrai, je ne la reverrai plus, pas même dans le ciel, car moi je n'irai pas. Oh, quelle misère, dire que voilà son soulier, et que c'est tout. La malheureuse s'était jetée sur ce soulier, sa consolation et son désespoir depuis tant d'années, et ses entrailles se déchiraient en sanglots comme le premier jour. Car pour une mère qui a perdu son enfant, c'est toujours le premier jour. Cette douleur-là ne vieillit pas. Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. En ce moment, de fraîches et joyeuses voix d'enfants passèrent devant la cellule. Toutes les fois que des enfants frappaient sa vue ou son oreille, la pauvre mère se précipitait dans l'angle le plus sombre de son sépulcre, et l'on eût dit qu'elle cherchait à plonger sa tête dans la pierre pour ne pas les entendre. Cette fois, au contraire, elle se dressa comme en sursaut et écouta avidement. Un des petits garçons venait de dire « C'est qu'on va pendre une Égyptienne aujourd'hui !» Avec le brusque soubresaut de cette araignée, que nous avons vu se jeter sur une mouche au tremblement de sa toile. Elle courut à sa lucarne, qui donnait, comme on sait, sur la place de Grève. En effet, une échelle était dressée près du gibet permanent, et le maître des basses œuvres s'occupait d'en rajuster les chaînes rouillées par la pluie. Il y avait quelques peuples alentour. Le groupe rieur des enfants était déjà loin. La sachette chercha des yeux un passant qu'elle put interroger. Elle avisa tout à côté de sa loge un prêtre qui faisait semblant de lire dans le bréviaire public, mais qui était beaucoup moins occupé du lettrin de fer treillissé que du gibet vers lequel il jetait de temps à autre un sombre et farouche coup d'œil. Elle reconnut monsieur l'archidiacre de Josas, un saint homme. « Mon père, demanda-t-elle, qui va-t-on pendre là ? » Le prêtre la regarda et ne répondit pas. Elle répéta sa question. Alors il dit, je ne sais pas. » Il y avait là des enfants qui disaient que c'était une Égyptienne, reprit la recluse. « Je crois que oui, » dit le prêtre. Alors Paquette la chante fleurie éclata d'un rire d'hyène. « Ma sœur, » dit l'archidiacre, « vous haïssez donc bien les Égyptiennes. » « Si je les hais, » s'écria la recluse, « ce sont des striges, des voleuses d'enfants. Elles m'ont dévorée, ma petite fille, mon enfant, mon unique enfant. Je n'ai plus de cœur, elles me l'ont mangé. » Elle était effrayante. Le prêtre la regardait froidement. « Il y en a une surtout que je hais et que j'ai maudite, » reprit-elle. « C'en est une jeune qui a l'âge que ma fille aurait si sa mère ne m'avait pas mangé, ma fille. Chaque fois que cette jeune vipère passe devant ma cellule, elle me bouleverse le sang. « Eh bien, ma sœur, réjouissez-vous, » dit le prêtre, glacial comme une statue de sépulcre. « C'est celle-là que vous allez voir mourir. » Sa tête tomba sur sa poitrine, et il s'éloigna lentement. La recluse se tordit les bras de joie. « Je le lui avais prédit qu'elle y monterait. Merci, prêtre » cria-t-elle. Et elle se mit à se promener à grands pas devant les barreaux de sa lucarne, échevelée, l'œil flamboyant, heurtant le mur de son épaule, avec l'air fauve d'une louve en cage qui a faim depuis longtemps et qui sent approcher l'heure du repas.